Il est passé 18h passé de quelques secondes et Futur Simple se poursuit sur CKRL au 89.1. Alors après avoir examiné quelques mythes alimentaires, on va se tourner vers d'autres mythes, plus précisément les préjugés et fausses croyances qui entourent les reptiles. Et c'est le sujet de notre chroniqueuse Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Ben oui, pour plusieurs personnes, les reptiles peuvent faire peur et sont souvent présentés de façon négative, même dans les médias. Mais heureusement, il existe des gens qui sont passionnés, qui font tomber les préjugés et les fausses croyances sur les reptiles. Et chaque année, depuis maintenant 4 ans, l'Association herpétologique de Québec organise un salon des reptiles pour sensibiliser et faire connaître le monde fascinant des lézards. Et en présentant avec une vingtaine de kiosques, près de 200 spécimens vivants sur place. Donc, beaucoup de préjugés et de fausses croyances qui entourent le monde des reptiles sont donc un peu brisés grâce à ce salon. Et c'est l'occasion idéale de faire aussi connaître les espèces différentes qui existent. Et pour nous plonger dans ce merveilleux monde, j'ai le plaisir d'accueillir Annick Claes, qui est l'une des responsables de ce salon. Bienvenue à Futur Simple. Merci beaucoup. Donc, pour se lancer, quels sont les principaux mythes et les préjugés que les gens ont envers les reptiles? Le monde des reptiles, c'est vraiment un monde qui est rempli de mythes et de préjugés. Et si je commence à en faire la nomenclature, on va être encore là demain matin. Règle générale, les gens ne connaissent pas les reptiles, donc vont penser à tort un paquet de mythes. Si je vais de manière les plus courantes, ben souvent les gens vont penser, exemple, que le serpent pique avec sa langue. Ce qui est tout à fait faux. Le serpent, lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse l'environnement avec sa langue. Il sort la langue, il goûte les particules d'air, puis il ramène tout ça dans l'organe de Jacobson, dans son palais, qui lui dit quel est son environnement. La langue d'un serpent, c'est aussi doux que la langue d'un chien. C'est juste que ça chatouille un petit peu plus. Les gens vont aussi penser qu'un serpent, c'est froid ou que c'est gluant. La peau d'un serpent, en réalité, c'est du cuir. Donc, c'est aussi doux que notre sacoche ou notre portefeuille. Quand le serpent est froid, c'est qu'il thermorégule. Donc, il va utiliser la température extérieure pour se réchauffer. Et si sa peau est froide, c'est que l'environnement dans lequel il est froid. Les gens vont aussi penser qu'un serpent, c'est perfide, que c'est méchant, que ça attend juste qu'on ait le dos tourné pour nous mordre. Ce qui est également faux. Le serpent a le cerveau reptilien. Manger, dormir, boire, se reproduire, la grosse base au fond. Donc, il n'y a pas l'intelligence de se dire « je vais attendre que la personne ait le dos tourné, puis je vais la mordre ». Le serpent va mordre pour deux raisons, soit parce qu'il a faim ou pour se défendre. Donc, je vais faire une petite note là. Il faut dire que donc Annick est venue avec quelqu'un, avec un serpent. Un beau spécimen. Depuis tantôt, donc le serpent est en train de onduler dans le studio. C'est charmant. Oui, il a l'air intrigué par le micro. C'est Kenya. C'est une petite femelle boa constrictor. C'est une femelle qui nous a été confiée au refuge. On ne sait pas exactement quel âge qu'elle a. Lorsqu'on l'a reçue, elle était très très très maganée. C'était une femelle qui avait une grosse infection respiratoire. Elle a été trouvée à l'extérieur le 2 décembre. Il faisait environ 2-3 degrés à l'extérieur. Et un serpent comme ça a besoin d'une température à 30 degrés pour survivre. C'était pas vraiment idéal. Hein? Donc, elle était à quelques minutes de mourir. Et nous, on l'a récupérée au refuge. Et maintenant, elle file bien. Mais on ne sait pas toutes les données là, de ce serpent-là. Ouais. Et pourquoi les gens ont peur des serpents? Ça remonte à loin. C'est sûr que dans certains pays où ils vont retrouver des serpents venimeux dans la nature, je peux les comprendre d'avoir Ils ont mauvaise réputation un peu. Exactement. Moi, j'ai un copain qui vient du Gabon. Quand il vient chez nous, il trippe pas parce que lui, chez eux, ça se peut qu'on en trouve des venimeux. Puis des fois, la différence entre un venimeux et un non-venimeux, ça se compte au niveau des écailles. Donc, on prend pas le temps de vérifier. S'il l'est, on se pousse, on s'en va. Au Québec, on n'a pas de raison d'avoir peur des reptiles parce que tout ce qu'on retrouve à l'état sauvage et en captivité, c'est du non-venimeux. Ça remonte à loin. La religion catholique y est pour beaucoup. Si on regarde à la grosse base, qui a corrompu Ève au Jardin d'Éden? Le serpent. C'est le méchant serpent. Si je vais à l'église, je regarde la statue de Marie, qu'est-ce qu'il y a à ses pieds? Un serpent qu'elle écrase. Okay. Les films d'horreur, Serpent à bord, Anaconda, c'est des gros films qui contribuent énormément aux mythes et aux légendes envers les serpents. Un anaconda, là, ça devient pas gros comme dans le film, puis ça mange pas des humains comme déjeuner. Là. Donc, pour découvrir mieux, justement, les lézards, vous organisez un salon à chaque année. Et quand a lieu votre événement, déjà? C'est samedi qui vient, samedi le 11 février au Collège Mérici, 755 Grande Allée Ouest. C'est de 9h le matin jusqu'à 5h30 le soir. Et toute la journée, vous allez pouvoir rencontrer des exposants, des propriétaires de reptiles, d'allant de simples passionnés à des éleveurs réputés et des animaleries spécialisées dans le domaine. Donc, c'est vraiment vaste. On trouve serpents, lézards, tortues, arachnides, batraciens, insectes. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Ben oui. Et puis, je pense en plus que les fonds qui sont amassés vont à une belle cause. Exactement. Les fonds 100% des fonds qui vont être ramassés cette journée-là vont aller aux étudiantes et étudiants du Collège Mérici qui vont faire un stage humanitaire au Pérou. Donc, eux, ils ont besoin de sous pour pouvoir amener un paquet de trucs essentiels pour leur stage humanitaire. Et c'est pour ça que les fonds vont aller. Oui. C'est, le coût d'entrée est de 8 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de 5 à 12 ans. Et en bas de 5 ans, c'est gratuit. Et puis, je pense que c'est l'occasion idéale pour les gens qui pensent à avoir un lézard, un serpent ou peu importe le reptile, de venir vous voir parce que il y en a qui savent pas trop qu'est-ce que ça peut impliquer d'avoir un lézard. Exactement. Malheureusement, certaines animaleries ne sont pas spécialisées dans le domaine et vont vendre pour faire des sous au lieu de vendre ce que les gens veulent vraiment. On peut se ramasser avec de fâcheuses surprises. Je donne l'exemple entre le piton royal et le piton birman qui, à l'achat, bébé, n'a pas grande différence. C'est tout petit, c'est tout cute, c'est tout mignon. La différence, c'est qu'il y en a un qui devient 5 pieds de long alors que l'autre va venir jusqu'à 17 pieds facilement. Ouh, plus. C'est une très grosse différence. Donc, exactement, on peut faire le saut, on peut se ramasser avec une mauvaise surprise se ramasser avec un serpent beaucoup trop gros. Donc, le Salon des reptiles nous permet de rencontrer des éleveurs, des passionnés qui ne sont pas là nécessairement juste pour vendre, qui sont également présents pour vous vendre la passion et vous expliquer exactement ce que vous avez besoin. Puis, je pense que ça t'est... Tu parlais de Kenya tantôt qui a été adoptée. T'en as eu d'autres lézards aussi que c'est un peu des lézards qui avaient été abandonnés, je crois. Oui, exactement. À la maison, on travaille comme... on fait un petit peu office de refuge. On travaille avec différents organismes pour donner une nouvelle chance aux reptiles. On récupère énormément d'iguanes, exemple, trouvées dans les parcs l'été, des tortues relâchées dans la nature. Donc, à ce moment-là, on va reprendre les reptiles et on va les soigner. Pour ceux qui sont malades, on va les soigner, on va s'en occuper comme il faut. Éventuellement, on tend à les replacer dans des maisons là, où ils vont être bien pour le restant de leur jour, idéalement. Là. Ah, ben c'est vraiment plaisant d'entendre ça. Merci. Puis on l'a vu récemment, il y a l'importation d'espèces exotiques aux États-Unis cause des problèmes assez importants aux écosystèmes, par exemple en Floride. Et ce qui se passe là-bas, c'est le piton birman, en fait, le piton de Birmanie qui pose quelques problèmes pour l'écosystème parce qu'il se retrouve en liberté. Et je pense qu'il y a même... l'alligator qui figure dans son menu. L'alligator figure à son menu autant que le serpent birman va figurer au menu de l'alligator. En gros, ce qui s'est passé, on a longtemps cru que c'était les gens, les particuliers, qui avaient relâché dans la nature leur serpent. Et la Floride étant un écosystème favorable à la reproduction de cette espèce-là, on a longtemps cru que c'était c'est les gens qu'ils avaient relâchés qui étaient responsables et que de fil en aiguille, ils s'étaient reproduits. En réalité, des études ont montré c'est au passage de l'ouragan Andrew qui a détruit une énorme ferme d'élevage sur une des petites îles qui entoure la Floride. Et ça l'a amené des serpents birmans en très grande quantité sur l'île. Pas sur l'île, mais en Floride. Et effectivement, ils ont les conditions climatiques pour se reproduire. Donc actuellement, oui, le serpent birman cause de gros problèmes dans l'écosystème parce qu'il se nourrit des rongeurs, des mammifères, des oiseaux qui sont présents dans le coin, ils sont en train de détruire pas mal. Oui, il y a même des oiseaux là-bas en voie d'extinction qui figurent dans son repas. Là. Oui, exactement. Ça pose un méchant problème. Hein. Donc, il y a vraiment des battues qui sont organisées, des gens qui font des équipes spéciales et qui vont faire le tour pour aller récupérer les serpents birmans. Ils vont aussi offrir plusieurs fois par année des collectes où les propriétaires de serpents birmans peuvent aller porter leurs reptiles de manière sécuritaire au lieu de les relâcher dans la nature pour essayer d'enrayer le problème. Puis là, on a vu ce qui se passe aux États-Unis, mais au Québec, est-ce qu'il y a des espèces qui sont interdites maintenant d'importation? En fait, au Québec, on est régi par la CITES pour ce qui est des animaux qui sont en voie d'extinction. Au Québec, la seule loi qui existe au niveau serpent, c'est pas sur la grosseur, c'est au niveau des venimeux. Tout ce qui est venimeux, tout ce qui est crocodilien, c'est illégal à avoir en captivité. Maintenant, on est régi par la CITES pour toutes les autres espèces. Donc, il y a des espèces qui sont protégées, qui ne peuvent pas passer. Il y a des espèces, exemple le piton royal, qui peut être même en élevage aux États-Unis, ne peut pas passer les lignes de la douane du Québec sans avoir des papiers très, très, très spécifiques qui certifie que l'espèce est née, que le spécimen est né en captivité. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse, là. Parce qu'il y en a qui font de l'importation du Canada aux États-Unis, je crois. Oui, il y a plusieurs éleveurs qui vont élever de leur propre bain, mais ça dépend lesquels. Le boa constricteur est un exemple qui peut passer sans trop de problèmes. Le piton royal, lui, c'est illégal, on ne peut pas le passer. Okay. Donc, ça dépend des espèces. Et puis... je pense qu'au Québec, il n'y a pas juste la Floride qui se retrouve des fois avec des problèmes un peu d'invasion non prévue. Le Québec aussi, on a ce genre de problème-là, nous aussi, avec des tortues, je crois. Oui, exactement. La fameuse tortue à raies rouges qu'on a longtemps achetée en animalerie, qui venait avec un beau petit kit en plastique, avec un palmier et oui. un petit pont. On l'a tout eu, ce kit-là, avec la petite fameuse tortue. Oui, oui. Beaucoup de gens se sont dit, une fois tannés, parce que cette espèce de tortue, ça ne vit pas dans le fameux petit panier. Ça prend des grosses installations, ça prend des gros aquariums. Donc, beaucoup de gens se sont dit, je vais leur lâcher aller dans la rivière, ils vont mourir à l'hiver. Erreur. Le problème, ce qui s'est passé, c'est que les tortues à raies rouges se sont adaptées. On compte maintenant des colonies qui se sont établies et il y a même des cas de reproduction qui ont été mis à l'étude. Et là, le problème qu'on a avec la fameuse tortue à raies rouges, c'est que c'est une tortue qui est très vorace, qui rentre en compétition directe avec toutes nos espèces locales, parce que nous aussi, on a des espèces locales au Québec. Et là, actuellement, là, nos propres tortues sont en danger à cause de la fameuse tortue à raies rouges. Donc, si vous avez des tortues à vous débarrasser, il existe des refuges. Il va y avoir à l'exposition ce week-end. On va avoir des refuges spécialement qui se spécialisent là-dedans, là, dans le fait de récupérer. On a le serpent qui explore le studio présentement. il veut s'en aller en régie, là. Je pense, oui. Donc, il y a plusieurs personnes, j'imagine... qui aimeraient posséder des reptiles, mais je pense qu'ils préféraient peut-être avoir des végétariens, mais à part la fameuse iguane verte, là, quelles espèces? Il existe d'autres espèces, j'imagine, qui n'étaient pas obligées de nourrir avec des lapins ou des souris. Tout à fait, tout à fait. La fameuse iguane verte, là, je vais être vraiment plate dans ce que je vais dire, mais ce n'est pas une espèce à avoir en captivité. Non, et si l'idée de vous prendre à voir cette espèce-là, moi, je vais être la première à vous dire non, prenez-en une autre. Un iguane, pour bien vivre, a le besoin de trucs bien, bien, bien particuliers. Ça a le besoin d'une pièce. Ça a besoin d'environ la grosseur du studio pour bien vivre. Ça lui prend une chambre à lui. Exactement. Entièrement adapté, avec les températures nécessaires, les rayons UV donnés par des néons qu'on va installer, qu'on doit changer aux 6 mois. Des basking spots, une piscine dans laquelle elle peut vraiment aller nager. Ça mange énormément. Le beau petit plat de salade qu'on achète à 6$ et quelques de salade mélangée, ça prend ça par jour, plus un paquet d'autres fruits et de légumes autour. Donc, c'est quand même dispendieux à nourrir. Ah oui. Et malheureusement, les iguanes ont été longtemps victimes du fait qu'ils sont végétariens. Les gens les ont achetés, ne connaissant pas ce qu'il y en a, et très peu vont passer le cap du 1 an. Et c'est un des reptiles qui est le plus, qui se retrouve le plus en refuge parce que les gens sont pas capables de les garder. On a longtemps pensé que si on les mettait dans une 5 gallons, un petit aquarium, ils allaient rester petits toute leur vie. Et c'est faux. Donc, c'est un paquet de mythes et légendes là, qui sont reliés autour de l'iguane et qui occasionnent beaucoup, beaucoup de problèmes. Ben donc, ceux qui veulent en savoir plus et pouvoir voir de leurs propres yeux des belles espèces comme celles qu'on a en studio, je vous invite à aller au Salon des reptiles qui a lieu ce samedi 11 février de 9h à 17h30 au Collège Mérissy. Et merci beaucoup d'être venu avec ton invité spécial. Ça fait plaisir, merci à vous. Puis je crois que tu as deux laissés-passer doubles pour les auditeurs. Oui, donc, tout à fait. Je crois qu'on les invite, on prend les deux premiers appels, on prend leur nom, ils vont pouvoir se présenter gratuitement à ton salon. Exactement, on va prendre le nom en note et une fois rendus à la porte, simplement montrer une pièce d'identité, ils pourront rentrer sans problème. Ah ben c'est bien gentil, merci. Merci à toi. Ben alors, merci beaucoup, Mélanie, et merci beaucoup, Annick, et merci beaucoup, donc, je ne me souviens plus le nom de cet adorable serpent qui est vraiment a l'air d'être très à l'aise dans le studio. Ben je pense oui. que la prochaine fois, il va faire de la radio. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Puis, c'est une bonne idée d'aller au salon. Donc, une petite pause musicale maintenant, toujours sur CKRL au 89.1.